me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quels sont les mécanismes de l'engourdissement du laboratoire politique dans les années 1980 ? Et quel est le nouveau paysage politique et intellectuel dans les années suivantes, les années 90, mais aussi le tournant du siècle ? Cette année encore, Pierre Auzan-Vallon, titulaire de la chaire Histoire moderne et contemporaine du politique, propose de revenir sur plus de 50 ans de recherches intellectuelles et politiques, de retrouver, selon sa formule, le chemin des enthousiasmes et des explorations de 1968 à nos jours, les années post-68 jusqu'au tournant de la rigueur de 1983 avaient fait l'objet d'un premier cycle de cours diffusé l'an passé. Pierre Auzan-Vallon renoue cette année avec son récit et nous retrouvons l'essoufflement, le long hiver des idées des années 1980. Pour cette série de cours, conçue donc sur 2 années, le grand chercheur du laboratoire démocratique mêle l'analyse des événements et des acteurs à son itinéraire personnel, lui-même étant témoin et acteur de cette histoire. En 1966, il était étudiant à HEC, il avait milité à l'Union des grandes écoles, l'UGE, à l'UNEF, et comme beaucoup d'autres, il sera travaillé, sinon transformé par les événements de 1968 et l'effervescence, sinon les contradictions de ces années ouvertes et créatives. Au lieu de gagner l'entreprise, Pierre Auzan-Vallon deviendra un intellectuel organique, selon ses propres mots, pour la CFDT, syndicat qui a su prendre le train des interrogations et des aspirations de ces années 1966-70, où l'esprit de mai 68 fait voir l'avenir en grand, à rebours des années d'hiver, comme seront qualifiées plus tard les années 1980. Dans une interview donnée l'an dernier au journal Le Point après les élections présidentielles, Pierre Auzan-Vallon rappelait, et je le cite, « Mon travail consiste à conceptualiser la démocratie et les questions sociales. Il s'attache aux maux de l'époque et notamment la montée des populismes. Il notait dans cette interview du Point, et je le cite à nouveau, « Le populisme se nourrit des dysfonctionnements de la société en termes de solidarité et de redistribution, mais il prospère aussi sur les bases du désenchantement démocratique. Il y répond par une espèce de démocratie imaginaire qui passe par l'acclamation ou par le référendum qui n'est pas le dernier mot de la démocratie. Celui-ci peut prendre un sens fort dans des moments solennels ou sur des questions essentielles, mais la démocratie n'est pas que la décision populaire. Elle consiste à construire des politiques dans le temps. La démocratie ne peut pas être le pouvoir immédiat d'un peuple fantasmé. C'est celui d'une volonté commune qui se construit dans le temps, grâce à l'action publique, mais aussi avec la vigilance d'un conseil constitutionnel et la régulation d'autorités indépendantes qui sont d'autres gardiens de l'intérêt général. » Et c'est bien à cette articulation entre temps long et temps court auquel nous convie Pierre Auzan-Vallon et à un regard engagé et citoyen au cours de sa vaste fresque historique et idéologique consacrée aux années post-68. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 10 janvier 2018, aujourd'hui épreuve et exorcisme, deuxième partie. Après avoir décrit donc les 3 modalités historiques du piétinement, le cours essaiera de dégager quels sont les termes dans lesquels on peut décrire le nouveau paysage politique et intellectuel qui s'est dessiné à partir des années 1990, mais surtout au tournant du siècle, avec les conditions dans lesquelles il y a une sorte d'impasse du social-libéralisme, les conditions dans lesquelles se forme une gauche de résistance qui, elle-même, se lie à des formes de reconnaissance de l'impuissance, si l'on peut dire, et surtout, d'un autre côté, comment se redessine totalement un paysage politique à partir de la substitution pour beaucoup de l'idée républicaine à celle de socialisme, d'un côté, et de l'autre, du développement ou de la mutation de l'extrême droite en national-populisme. Ce sont des choses que je développerai longuement. Et je les développerai en montrant à la fois les conditions politiques de ces mutations et les conditions de leur accompagnement intellectuel, en observant également les modalités selon lesquelles elles dessinent à la fois des impensés et des impasses. Et la fin du cours sera consacrée à dessiner les termes dans lesquels on peut essayer de caractériser les formes d'un nouvel âge, que j'appelais le troisième âge de l'émancipation. Donc j'en viens maintenant directement à cette analyse des figures de l'engourdissement, qui, après l'essoufflement politique et après la considération de la jachère de la marche des idées, constitue à mes yeux le troisième grand facteur explicatif de ce piétinement qui a suivi les années 70. Le Robert donne la définition suivante d'engourdir. Il dit « engourdir ce qui prive en grande partie de mobilité et de sensibilité. En continuant, par extension, c'est mettre dans un état de ralentissement général les fonctions vitales. » Il me semble que c'est un terme qui convient bien pour décrire ce qui s'est passé à partir des années 80, prolongeant donc ces effets de l'essoufflement politique et des transformations de la vie intellectuelle que nous avions analysées l'an dernier. L'engourdissement de ces années a pris différentes formes. La première forme d'engourdissement a procédé de ce qu'on pourrait appeler une dérivation, avec la substitution progressive d'un idéal européen au contour relativement flou, à l'ambition première d'un changement profond du pays lui-même. La deuxième forme d'engourdissement a pris le visage d'une dissociation. Une dissociation consentie entre la pensée et l'action. Et différentes expressions de radicalité intellectuelle ont été pour cela de pair avec la reconnaissance de fait d'une impuissance à réorienter le cours des choses. Et cette dissociation a conduit à faire de la posture une politique. La troisième a été de l'ordre d'une régression défensive, celle d'un retour vers une vision technocratique, la crainte de l'irresponsabilité de la gauche traditionnelle ayant conduit à un repli sur un cercle de la raison, pour employer une expression de l'époque. Première modalité de l'engourdissement, donc, celui d'une dérivation. C'est le transfert sur l'Europe des ambitions politiques précédentes. Dans les années 1960 et 1970, le terme d'Europe renvoyait surtout à la préoccupation de conjurer les malheurs du passé, de façon indissociablement impérative et floue. Il faisait ainsi d'abord sens pour ceux qui avaient connu la guerre et œuvré pour la signature du traité de Rome en 1957. Et pour les plus jeunes, il s'inscrivait de façon vague dans une envie générale d'ouverture au monde. Et il semblait dans tous les cas qu'un intervalle immense séparait de telles attentes de la modestie des institutions bruxelloises. Elles étaient perçues comme une sorte de petite administration fonctionnelle vouée à gérer la politique agricole et une somme de dossiers techniques dont l'opinion ne savait pas grand-chose. Le grand public, alors, ignorait même le nom du président de la commission, et les États membres ne désignaient comme commissaires que des personnalités de second rang, dont presque aucune n'a transmis son nom à l'histoire, à l'exception de Raymond Barre. Les choses ne changeront que progressivement, avec l'adhésion en 1973 à la Grande-Bretagne d'abord, qui avait modifié la perception de l'ensemble, en regroupant les trois principales puissances économiques du continent, avec ensuite, en 1974, la création d'un Conseil européen, réunissant régulièrement les chefs d'État et de gouvernement, et mettant donc en place une direction politique plus tangible de la communauté. Puis surtout, avec la création du système monétaire européen, en 1978, et enfin, en 1979, grand changement, l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct, ce qui permettait d'intéresser davantage les opinions à la vie de Bruxelles. L'addition de ces petits pas dessinait alors la voie d'un approfondissement, mais sans bouleverser la place qu'occupait l'Europe dans les débats de politique intérieure en France. Tout changera en mars 1983 du côté français, avec le changement de politique économique. L'Europe dessinera, à partir de cette période, un horizon désirable qui sera insensiblement substitué à celui d'une perspective socialiste devenue évanescente. Dès 1981, François Mitterrand avait cherché à trouver un point d'appui chez nos partenaires européens pour conforter sa politique économique et sociale. Il n'avait pourtant pas été tendre précédemment avec ceux qu'il avait qualifiés pendant la campagne de 1981 d'Europe des marchands. Mais arrivé au pouvoir, il parlera différemment. Dès le premier Conseil européen auquel il avait participé, au lendemain de son élection, il avait ainsi appelé ses homologues à s'engager dans, je cite, « la création d'un espace social européen et à mettre sur pied un grand plan industriel commun ». Ce sera sans succès. Il avait donc déroulé seul son programme de réforme appliqué à l'Hexagone, avec les résultats que l'on sait, qui s'étaient traduits par deux dévaluations à l'automne 1981, puis en juin 1982, et la baisse continue du franc conduisant au dilemme du printemps 83, quitter le SME, le système monétaire européen. Le système monétaire européen était un système dans lequel il y avait des variations limitées des taux de change, des variations limitées en termes de dévaluation et de réévaluation. Soit quitter le SME, soit renforcer la politique de rigueur quelques mois plus tôt pour rassurer les marchés, gagner la confiance des Allemands et obtenir qu'ils décident une réévaluation du mark. Et c'est ce qui se passera au printemps 1983. Les Français limiteront la dévaluation de leur monnaie, mais les Allemands accepteront de la réévaluer très fortement la leur. Et donc, cela faisait l'équivalent d'une forte dévaluation, mais dont les effets étaient en quelque sorte partagés. On parlera à ce moment-là, c'est l'expression de Jean-Pierre Chevènement, de Paris pascalien de Mitterrand sur le développement de la construction européenne. Mais c'est vraiment à partir de ce choix, c'est Jacques Delors qui le dira en connaisseur, que Mitterrand chaussera les bottes d'un grand Européen. L'Europe devint, à partir de ce moment très précisément, la béquille d'un projet socialiste contrarié. La béquille, puis une sorte de substitut implicite. La France est notre patrie, l'Europe est notre avenir. Ce sera la formule qu'emploiera le président de la République en présentant ses vœux au pays le 31 décembre 1986, et c'est une formule qu'il reprendra ensuite à de nombreuses reprises. La France est notre patrie, mais c'est l'Europe qui est notre avenir. Et c'est un glissement qui indiquait qu'on donnait un nouvel objet à la promesse de changement. Et glissement qui sera d'ailleurs symbolisé quelques années plus tard par une chose qui est maintenant commune pour nous, mais c'est le côte-à-côte de la bannière bleue étoilée et du drapeau tricolore dans les occasions officielles. La première fois que le président de la République a pris la parole en ayant derrière lui les deux drapeaux français et européens, c'est pour présenter ses vœux en 1988. Et après cette cérémonie, il y aura dans tous les bâtiments publics l'adjonction du drapeau européen au drapeau français et les chefs de l'État successifs s'exprimeront toujours avec les deux bannières à côté d'eux. La présidence de la commission par Jacques Delors, de 1985 à 1995, 10 ans, allait accompagner et légitimer ce transfert d'ambition, tant celui-ci fut un président activiste, et qui a même fini, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, par prendre nettement l'ascendant sur le Conseil européen. Et plusieurs étapes marquantes allaient donner corps à ce réalignement. La signature de l'acte unique, en 1986 d'abord, avec ses 3 volets, le projet de réalisation d'un grand marché intérieur, l'engagement à réaliser des réformes institutionnelles et, en 3e lieu, la formalisation d'une coopération politique entre les États membres. Il sera complété en 1989 par l'adoption d'une charte sociale. Et François Mitterrand avait parlé en termes lyriques de cette perspective de constitution du marché unique. Avec une monnaie unique, avait-il dit au pays, on dotera l'Europe d'un instrument qui lui permettra de s'affirmer comme la première puissance du monde. Première puissance industrielle, première puissance pour la recherche, première puissance qui offrira aux jeunes des possibilités d'avoir du travail, des métiers. Sur tous les marchés, nous serons ensemble au moins aussi forts que le sont aujourd'hui les Américains et les Japonais ensemble. Avec le traité de Maastricht scellant cette évolution, avait-il conclu, l'Europe nous offrira des garanties renforcées face à l'instabilité du monde, ainsi que des droits nouveaux pour nos concitoyens. Le chef de l'État n'était pas le seul à célébrer cette Europe protectrice, prêt à prendre le relais d'un État-providence national en difficulté. Tous les socialistes étaient alors à l'unisson. Michel Rocard se réjouissait aussi d'un traité qui était le premier qui comportait un grand volet social. Mais aussi bien Martine Aubry qu'Henri Emmanuelli, Laurent Fabius et Jean-Luc Mélenchon participaient alors tous de cette vision et de cet optimisme. L'invocation de l'Europe était pour tous le moyen de conjurer le spectre d'un rapetissement des ambitions. Elle dessinait un nouvel horizon d'attente, prenant le relais de ce qu'avait précédemment incarné l'idéal du socialisme national. C'était aussi une Europe compensatrice du déclassement de puissance de la France que les dirigeants du pays célébraient. Sous les couleurs de la bannière bleue, on satisfaisait l'aspiration à continuer à jouer les premiers rôles dans le monde et s'identifier une telle Europe rachetait les apparences d'une France qui rechignait à se reconnaître désormais comme moyenne. Et c'était aussi l'Europe des droits de l'homme que l'on chérissait dans ces années 80, une Europe symbole de la victoire sur les dictatures, avec l'entrée de la Grèce en 1981, puis celle de l'Espagne et du Portugal en 1986, une Europe championne des libertés avec l'adoption en 2000 d'une charte des droits de l'Union, et une Europe terre de démocratie, enfin évidemment, avec la chute du mur et la marche vers l'adhésion des pays de l'Est. S'identifier une telle Europe était, pour toutes ces raisons, valorisant. En matière de stratégie, la construction européenne validait par ailleurs implicitement, mais de façon éclatante, le célèbre mot d'ordre révisionniste d'Edouard Bernstein, lorsque ce dernier avait invité les sociaux-démocrates de son époque à considérer que le mouvement était plus important que le but. On a en effet, pendant toute cette période, donné ces lettres de noblesse à une politique des petits pas, dont Delors s'était à la fois fait l'artisan et le théoricien. On ne savait pas exactement vers quoi on allait se diriger, mais on était sûr que c'était dans la bonne direction. Le principal est que l'Europe avance, résumera significativement le président socialiste, se contentant d'évoquer les potentialités considérables de la construction européenne. Et ce terme même de construction européenne, passé dans le langage commun, avait en lui-même une résonance positive aux yeux de tous. Il paraissait redonner consistance à l'idée d'un volontarisme efficace dans un monde que la référence permanente à des contraintes avait eu tendance à disqualifier. Tout avait convergé de la sorte pendant les 2 septennats de François Mitterrand pour que de nombreux Français puissent être séduits par la perspective d'une Europe compensatrice des abandons, des faiblesses et des inachèvements des idéaux qui avaient conduit à la victoire de 1981. Mais c'est là encore une réorientation qui n'avait pas vraiment été explicitée. On se sentait comme enveloppé dans une atmosphère d'Europe qui exhalait des senteurs d'optimisme dans un monde où le terme de désenchantement s'imposait de plus en plus. Des étudiants que l'on connaissait bénéficiaient du programme Erasmus. On voyait les succès d'Airbus ou des programmes spatiaux, les crédits de Bruxelles auxquels avaient accès de plus en plus d'associations ou programmes publics étaient connus jusqu'au début des années 1990. L'Europe participait par ses petites touches d'un quotidien positif, sans compter la promesse globale d'avenir qu'elle représentait, impérative et floue à la fois. Mais sans avoir jamais été un europhile béat, du fait même que la question démocratique et la question sociale qui m'importaient essentiellement ne se jouaient pas à ce niveau, j'avais aussi baigné dans cette atmosphère rassérénante et lénifiante. Et c'est la découverte d'un chiffre, très simple, qui a eu pour moi l'effet d'un véritable électrochoc au moment de la ratification du traité de Maastricht, le 1%. 1%, c'était le montant du budget européen rapporté au PIB des pays membres. Un chiffre à comparer à celui des 20% représentant le budget des dépenses publiques dans un pays comme la France. Ce chiffre de 1%, il disait la vérité de l'Europe en la ramenant à sa matérialité effective. Fait plus surprenant encore, j'apprenais que ce modeste pourcentage n'avait pas bougé depuis la signature du traité de Rome. Et c'est toujours le cas 60 ans plus tard, au moment où je lis ce cours. Un tel chiffre ne pouvait certes pas être considéré de façon isolée. Bien des éléments structurants de l'Union européenne étaient en effet de l'ordre de la régulation et de l'emprise du droit, et ne se traduisaient donc pas dans l'ordre budgétaire. Mais sa modestie et sa fixité m'avaient fait réfléchir, surtout si on les rapportait à l'inflation des attentes et des transferts d'espérance liés à la construction européenne. Tout s'est ainsi passé comme si s'était formée une bulle spéculative d'espérance et d'attente, c'est-à-dire un mensonge en langage politique et moral. Une bulle suivant le modèle financier classique d'un titre qui ne cesse de grimper alors que la valeur substantielle de l'actif auquel il correspond n'a pas varié. J'avais alors compris qu'elle finirait par éclater, ce qui ne s'est en fait opéré que sous la forme d'abord moins perceptible, d'un dégonflement progressif, engendrant un scepticisme, puis un ressentiment croissant, qui se manifesteront pour la première fois avec éclat. En 1992, avec la victoire lors du débat sur la ratification du traité de Maastricht et qui culmineront en 2005 avec la victoire du non au référendum sur le projet de constitution. L'envoûtement sera alors brisé pour une partie du pays. Mais il le sera d'une façon problématique, puisqu'il alimentera d'un côté le développement d'une politique nationale souverainiste, dont je parlerai plus loin, et de l'autre la vision minimaliste et purement négative d'une Europe sauvegarde, dont la décomposition serait considérée comme génératrice de chaos. Ce sont en effet moins les possibilités futures qu'incarnerait cette dernière que la peur du saut dans l'inconnu que représenterait sa dislocation ou le simple fait de s'en dissocier qui soutiendront dorénavant le projet européen dans une partie de l'opinion. Avec pour conséquence de réduire le débat sur l'avenir de l'Europe un affrontement qui se révélera toxique entre les tenants d'un rejet viscéral, représenté par la galaxie composite des différents populismes et souverainistes, et de l'autre côté, les apôtres d'une Europe nécessité, réunis par l'idée qu'il n'y avait pas d'alternative à son fonctionnement existant. Le Collège de France et France Culture vous présente Pierre Auzan-Vallon, 1968-2018, aujourd'hui, épreuve et exorcisme, deuxième partie. La deuxième forme d'engourdissement, c'est ce que j'appellerais les radicalités d'impuissance. L'engourdissement des années 1980 et 1990 s'est en effet aussi paradoxalement adossé à la revendication d'une certaine radicalité, mais d'une radicalité d'un type nouveau, celle de la posture intellectuelle et non plus de l'action militante et de la lutte sociale. Une radicalité centrée sur elle-même, cantonnée dans les disputes de la sphère académique, n'évoquant plus le monde social que de façon rhétorique, dans les termes d'une généralité inopérante. Dans son sillage, ou de façon simplement parallèle, a aussi émergé, dans un ordre indissociablement politique, moral et esthétique, ce qu'on a fini par appeler une mélancolie de gauche. En même temps que des formes de pensée critique s'affirmaient sans plus se référer à un projet d'intervention dans les urgences du monde. Un sentiment diffus d'impuissance que l'on ne cherchait pas à élucider a sous-tendu ces différentes façons de réagir au postpartum des années 1970. Dans tous les cas, se trouvaient de fait remisés les trois mantras canoniques qui avaient résumé pour de nombreuses générations les liens nécessaires de la réflexion et de l'action. La célèbre phrase de Marx dans la 11e thèse sur Feuerbach, « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de façon différente, ce qui importe est de le transformer », la formule de Gramsci qu'avait repris Romain Rolland, « Il faut marier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté », et la troisième formulation due à Durkheim, s'adressant à ses collègues universitaires, « Nos recherches ne mériteraient pas une heure de peine si elles ne devaient avoir qu'un intérêt spéculatif. » Eh bien, ces trois grands mantras du rapport entre l'action et la réflexion se trouveront fortement affaiblis et congédiés d'une certaine façon à partir de cette période. La radicalité de posture académique, celui qui en a fait le premier l'analyse et la critique, a été Jacques Rancière dans son ouvrage « La leçon d'Althusser », qui était publié en 1974. Venant d'un des membres du groupe qui avait publié avec Le Maître « Lire le Capital », la charge avait retenu l'attention. Ce n'étaient pas tant les thèses proprement dites d'Althusser qui étaient discutées dans ce livre de Rancière, son premier livre, que ce qu'il avait appelé « la politique d'une pensée ». C'est l'attitude des Mao en mai 68, qui entourait à l'ENS Le Maître, qui lui avait ouvert les yeux sur la nature de leur sectarisme. Se considérant comme les gardiens du temple marxiste-léniniste, ils avaient en effet spontanément méprisé les étudiants en révolte, les traitant de petits bourgeois et de spontanéistes pseudo-révolutionnaires. Mais ce n'était pas à l'aune du contenu des revendications effectives du mouvement ou de la conduite de son action que ces étudiants étaient jugés. Il leur avait d'abord été reproché de méconnaître le sens de la lutte des classes et d'être, à leur insu, les jouets d'une idéologie qui les égarait, de ne pas avoir eu, en un mot, la science véritable de leur malheur. La critique de cette position par Rancière était double. Il reprochait d'abord à l'althussérisme d'avoir eu la prétention d'absorber les réalités du monde politique et social, avec les combats et les controverses qui le constituaient, dans un ordre théorique qui aurait eu seul la capacité d'en déchiffrer le sens. Position althussérienne, qui partait ainsi de la présupposition que la, je cite, « la domination fonctionne grâce à un mécanisme de dissimulation qui fait ignorer ses lois à ceux qu'elle assujettit en leur présentant la réalité à l'envers. Si les dominants ne sont ainsi dominés que parce qu'ils ignorent les lois de la domination, aveuglés qu'ils sont par l'idéologie dominante, ce n'est donc qu'en s'en remettant à ceux qui possèdent la science de la société qu'ils peuvent s'émanciper. Dans l'univers communiste traditionnel, c'était le parti, comme intellectuel collectif et parti de classe indissociablement, qui était le détenteur de cette science. Avec Althusser, s'opérait un glissement au profit des seuls intellectuels. les batailles du monde universitaire, devenant pour lui de la sorte le lieu et l'expression véritable du combat politique. C'était le deuxième volet de la critique de Rancière, qui s'attachera, à partir de ce moment, à mettre en lumière, sur la base de matériaux historiques et sociologiques, le fait inverse de la capacité effective des dominés à parler et à penser eux-mêmes leur domination, en même temps qu'à agir pour lutter contre elle. Rancière sera suivi dans cette démarche par le grand historien anglais E.P. Thompson, qui publiera parallèlement au livre de Rancière un ouvrage qui avait pour titre en anglais « The Poverty of Theory » et qui ne sera traduit d'ailleurs que très tardivement en France, il y a 2 ans, sous le titre « Misère de la théorie contre Althusser et le marxisme anti-humaniste ». Et dans ce livre, Thompson opposait ce qu'il appelait la tradition marxiste à la science marxiste. La tradition marxiste, fondée sur l'histoire et le constat des combats pour l'émancipation, et la science marxiste comme prétention à maîtriser les ressorts véritables de l'histoire. Science marxiste qui était d'ordre scolastique et non pas militante. Et venant de ces deux figures, un tel appel à résister à l'intimidation intellectuelle au début des années 70 m'avait marqué. Il y avait d'ailleurs un côté très français dans cette radicalité académique que l'on pourrait qualifier, pour plagier Marx, de radicalité de la chair. Elle s'était en effet inscrite dans la spécificité de la gauche française d'avoir été longtemps plus théorique que sociale. Dès la fin du XIXe siècle, Richard Sennett l'a très bien souligné dans son livre sur les tyrannies de l'intimité. Un Jules Guesde avait ainsi pris l'ascendant sur Jaurès sur une base purement rhétorique. En dénonçant son réformisme coupable, la bataille pour savoir qui était vraiment révolutionnaire l'emportant sur la détermination des conditions d'une action révolutionnaire effective. Les luttes d'appareil absorbant en conséquence l'essentiel de l'énergie politique. Ce travers n'a fait que s'accentuer à la fin du XXe siècle, avec l'autonomie croissante du milieu universitaire, du fait même de sa grande dimension, que l'on a retrouvée dans de nombreux pays. Et on peut voir le cas, par exemple, d'un certain gauchisme totalement coupé du monde social sur les campus américains, qui n'interfère en aucune façon avec la vie politique américaine. Il a aussi été parallèlement alimenté par ce qu'on pourrait appeler la désociologisation concomitante de la politique. La désouvriérisation du Parti communiste en étant l'expression la plus spectaculaire. Cette désociologisation de la politique a en effet conduit à donner aux dominés un visage de plus en plus flou, les dissolvant dans des catégories trop lâches qui conduisaient du même coup à abstractiser ou à schématiser la question sociale. Et ce fait, il s'est lié dans ces années 80-90 au déclin global du militantisme politique pour contribuer dans certains milieux à déplacer les énergies et les représentations de l'adversaire sur le terrain plus étroitement universitaire. Un militantisme de substitution s'est ainsi parfois mis en place pour faire par exemple de la stigmatisation de pairs jugés complices et dominants le ressort d'une action justificatrice de sa propre vertu révolutionnaire. Cela a aussi été une façon de marquer une impuissance de fait, en réduisant l'espace des combats menés au petit monde des commissions de recrutement ou des diverses instances académiques, ce qui a également eu un impact sur la production intellectuelle elle-même. Toute une littérature critique de pure dénonciation s'étant ainsi développée en lisière de la production et de la discussion proprement scientifique dans le monde universitaire. À côté de cette première forme de radicalité, il faut mentionner la mélancolie de gauche. C'est la lecture de Walter Benjamin qui avait d'abord attiré mon attention sur le sens politique d'une esthétique de la mélancolie. Je n'avais commencé à le lire que tardivement, vers la fin des années 1980, au moment de la publication de son Paris capital du XXIe siècle, dont l'éditeur français Heinz Wiesmann était un ami. Je l'avais en effet précédemment assimilé au seul critique littéraire, commentateur de Baudelaire et de Proust, ainsi qu'à son fameux essai sur l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Ce Paris capital du XIXe siècle était une sorte de montagne de notes et de citations rassemblées pour un ouvrage qui ne l'achèvera pas. Et ça avait été pour moi une formidable source d'inspiration au moment où je faisais mon travail sur Guizot, avec l'acuité du regard qu'il portait sur des centaines d'auteurs qu'il avait lus et les rapprochements inattendus qu'il suggérait. En naviguant dans ce fort millier de pages touffues, j'avais le sentiment d'être à la Bibliothèque nationale, dévorant de façon oblique les pages noircies par un voisin dont la concentration m'impressionnait. À la Bibliothèque nationale, c'était un exercice permanent de voir ce que faisaient les autres à côté. Est-ce qu'il prenait beaucoup de notes? Est-ce qu'il semblait penser puissamment? Ou est-ce qu'il semblait patiner? Mais quand on s'imaginait à côté de Benjamin, on le voyait comme un preneur fou de notes. Et cela m'avait conduit à vouloir pénétrer plus avant dans son œuvre, en commençant par sa correspondance. Et c'est le passage d'une lettre à Gershom Scholem, l'un de ses plus proches amis, qui m'avait particulièrement marqué. Disant à Gershom Scholem qu'il relisait Peggy, voilà ce qu'avait écrit Benjamin. Il dit « Chez lui, je me sens dans un langage d'une incroyable parenté. J'irais jusqu'à dire, rien d'écrit ne m'a atteint avec autant de proximité, autant de communion. Il est sûr que bien des choses m'ont davantage bouleversé. Ici, je suis touché non par la sublimité, mais par la parenté. La parenté, une fantastique mélancolie dominée. Une mélancolie dominée. Il suffit parfois d'un mot ou d'une expression pour saisir quelque chose que l'on ressent immédiatement comme essentiel. Cette formule de Benjamin exprimait de façon ultra sensible son état d'esprit au lendemain de la Première Guerre mondiale. Écartelé qu'il était entre les promesses du matérialisme historique auquel il avait adhéré et un désir de fidélité aux figures plus tragiques du messianisme juif. Un Benjamin qui voulait garder les yeux ouverts et ne pas renoncer, tout en sachant que l'idée de progrès avait dorénavant déserté le monde. Et la complexité du rapport inconfortable à l'histoire qui en découlait constituera le cœur de son œuvre philosophique qui m'attira pour cette raison. Mais sa formule avait en même temps eu pour moi une résonance directement politique. Elle me semblait en effet parfaitement exprimée une esthétique distante qui refaisait surface et se diffusait en se tournant des années 1990. Une esthétique distante à la fois d'un plat désenchantement, qu'il soit tronitruant comme celui des romantiques ou vaguement honteux comme celui des retours d'idéal, et de l'autre côté d'une foi révolutionnaire maintenue inchangée. Cette esthétique est une façon élégante et digne de lier la reconnaissance d'une impuissance au fait d'une résistance intérieure. Et la référence croissante à Benjamin dans les milieux intellectuels d'extrême-gauche à partir de ces années 1990 constituera un symptôme de la diffusion de cette esthétique lucide et courageuse qui se reconnaissait au bord du précipice. Daniel Ben Saïd, qui était l'intellectuel organique de la Ligue communiste révolutionnaire, lui consacrera ainsi un essai libre et chaleureux, en même temps qu'il sera souvent cité dans des milieux comme, par exemple, celui de l'intéressante revue Ligne, qui était située aux frontières de la littérature et de la politique. Mais à côté de ces auteurs, qui exprimaient avec une telle radicalité désarmée d'ordre moral et existentiel, une tension tragique, fruit d'une conscience malheureuse, submergée par la réalité, leur mélancolie résultant du constat d'un piétinement de l'histoire qui s'était imposée, avec le déchirement intérieur qu'il provoquait et qu'il gardait vif, se répandra la version beaucoup plus triviale d'un malaise servant d'alibi à une impuissance de fait consentie. Et on verra au milieu des années 1970 une magnifique exposition au Grand Palais qui aura pour titre « Mélancolie, génie et folie en Occident », dont le catalogue représente un ouvrage de grande référence et qui a été rédigé sous la direction de Jean Clerc, qui était le commissaire général de l'exposition. Et je vous invite à lire un de ses articles fondamentaux dans ce catalogue, qui s'appelle « L'ange de l'histoire, mélancolie et temps moderne », qui rend bien compte de cet état d'esprit. C'est Jacques Rancière, là aussi, qui me semblera avoir bien vu les choses. Parlant de ce qu'il avait appelé dans cette direction la version mélancolique du gauchisme, il avait écrit « Son étiage normal est celui de la constatation désenchantée de l'impossibilité de changer le cours d'un monde où tout point solide manquerait pour s'opposer à la réalité devenue gazeuse, liquide et immatérielle de la domination. Plus la critique du monde, effectivement, est effectuée dans des termes insaisissables, parce que globalisée à l'extrême, moins elle peut nourrir une action qui demande d'avoir des prises bien déterminées sur la réalité. Et c'est un point sur lequel je reviendrai plus loin lorsque je parlerai du néolibéralisme comme d'un mot en caoutchouc. Cette mélancolie, en concluait du même cours Rancière, se nourrit de sa propre impuissance. Il lui suffit de pouvoir la convertir en impuissance généralisée et de se réserver la position de l'esprit lucide qui jette un regard désenchanté sur un monde où l'interprétation critique du système est devenue un élément du système lui-même. Résignation de fait et posture radicale peuvent se lier sur ce mode dans le confort des consciences. C'est la version que l'on pourrait dire pharisienne et paresseuse de la mélancolie que j'oppose à la version de Walter Benjamin. Il y a une troisième forme de cette radicalité d'impuissance, c'est ce que j'appellerais l'eschaton sans télos. Et c'est Jacques Derrida qui en a donné, je pense, la formulation la plus grande dans un livre qui est à la fois magnifique et troublant, qui a pour titre, publié en 1993, qui a pour titre « Spectre de Marx ». Jacques Derrida a livré dans ce livre une longue méditation sur un monde défini avec les mots de Shakespeare dans Hamlet comme étant « a time out of joint », un monde sorti de ses gonds, un monde dans lequel, en même temps, le renversement de l'ordre des choses apparaît hors de portée. Derrida n'a pas eu besoin là d'entrer dans une analyse précise, même s'il a furtivement employé les termes d'hégémonie et de néolibéralisme, tant l'évidence du constat s'imposait aux auditeurs de ses conférences comme ensuite à ses lecteurs. Ce livre est issu de conférences qui avaient été données à l'université de Riverside, en Californie, dans le cadre d'un colloque ayant pour titre « Où va le marxisme ?». Formulé dans les termes de l'exercice qui lui était proposé, la question travaillée dans ce texte par Derrida est celle des conditions d'une fidélité contemporaine à Marx. À rebours de ceux qui voulaient dorénavant aseptiser son œuvre en ramenant l'auteur du Manifeste communiste à la simple stature d'un grand philosophe, Derrida invitait à ne pas rompre avec la promesse révolutionnaire qui la structurait. Mais comment ? Puisque c'est justement son horizon qui semblait s'être dérobé en cette fin du XXe siècle. La force de Spectre de Marx est d'avoir suggéré une réponse originale et énigmatique, celle d'une révolution conçue comme pure possibilité, indicible et informulable. Derrida proposait ainsi de n'appréhender la promesse démocratique ou la promesse communiste ni comme des utopies, des formes à venir, ni même des idées régulatrices qui leur donneraient le statut rassurant de présent-futur, mais de les comprendre sous les espèces, je le cite, d'une espérance messianique absolument indéterminée en son cœur, d'une attente sans horizon d'attente, d'une hospitalité sans réserve. Telle était pour lui la condition pour ne pas renoncer sans pour autant se bercer d'illusions. Mais comment comprendre plus avant ce qu'il appelait lui-même ce concept étrange du messianisme sans contenu, du messianique sans messianisme, qui nous guide, disait-il, comme des aveugles. Ou encore, cette indifférence au contenu, une indifférence singulière. Comment concevoir ce qui serait de l'ordre d'une promesse détachée de tout messianisme qui ne soit en aucune façon de l'ordre d'un programme? Derrida a employé là, lui aussi, le terme de radicalité. Mais ce ne pouvait être pour lui qu'une radicalité sans objet, c'est-à-dire une radicalité d'être. Une radicalité donc comprise comme une disposition mentale et morale. Il reprenait de cette façon l'intuition d'un Maurice Blanchot qui avait parlé à propos de Marx dans un très beau texte qui s'appelle « Les trois paroles de Marx », reproduit dans son ouvrage « L'amitié », et qui avait donc parlé à propos de Marx de la révolution comme, je cite Blanchot, « pure urgence de ce qu'elle annonce, imminence détachée de toute nécessité ». Il y avait dans cette abstraction une grandeur qui m'impressionnait, car elle se situait bien au-delà d'une simple mélancolie de gauche, mais ne pouvait par définition fonder aucune politique. Elle avait au fond une dimension que l'on pourrait qualifier d'artiste, car c'est bien l'objet du peintre, du cinéaste ou de l'écrivain que de donner sens et forme à cette radicalité d'être, afin que reste toujours vive en l'homme l'inquiétude et l'ouverture. C'est pourquoi je respectais et même admirais cette troisième forme de radicalité sans pouvoir pour autant m'en satisfaire aucunement. Un film de Tarkovski, Andrei Rublev, que j'avais vu et revu très souvent au début des années 80, m'avait déterminé à cela. Il s'agit dans ce film, on le sait, d'une œuvre consacrée au célèbre peintre d'icônes. Au célèbre peintre d'icônes qui avait traversé une période de doute dans son travail qui l'avait conduit à ne plus pouvoir peindre. Et il n'était revenu à la création qu'après avoir été le témoin du formidable travail d'un jeune artisan qui s'était dépassé de façon insensée en réussissant à fondre une cloche d'exception. C'est le titre, la cloche, de l'un des moments les plus centraux du film. Et l'artiste avait eu ainsi besoin de l'homme d'action pour retrouver le sens de son travail. C'est de ce service de l'action que je ne pouvais me détacher, à distance des différentes figures, des radicalités d'impuissance que je viens d'évoquer, avec les risques et les facilités que cela pouvait impliquer. Mais je découvrirai aussi que la claire conscience des formes d'engloutissement des autres conduit parfois à se rendre aveugle aux siennes. La troisième forme d'engourdissement, c'est celle que j'ai appelée la tentation de la régression technocratique. Une troisième modalité d'engourdissement a pris le visage de la tentation d'un retour à la vision technocratique de l'action politique. S'il s'agit là d'une figure classique du rapport à l'action publique en France, on pourrait aussi la considérer dans la perspective qui m'intéresse dans ce travail, de ce cours, comme une forme de rocardisme hémiplégique. Si la deuxième gauche s'était définie dans les années 1970 par le projet de lier radicalité réformatrice et culture de gouvernement, cette dernière prenait en effet l'ascendant dans une vision technocratique. Et c'est la Fondation Saint-Simon qui en a incarné pour beaucoup, toute une partie de l'opinion au moins, au milieu des années 90, la manifestation. Ayant été directement impliqué dans l'histoire de cette institution, je pense pouvoir utilement éclairer le type d'engourdissement qui lui était associé en la considérant dans sa réalité effective, débarrassée d'un certain nombre des fantasmes qui lui ont été associés. Je ne m'étends pas sur l'histoire de cette institution, même si elle est intéressante, parce que l'histoire de cette institution est celle de la tentative de François Furet, élu président de l'École des études en sciences sociales en 1977, de doter l'école des hautes études d'une structure qui serait l'équivalent de ce qu'avait été pour Sciences Po la Fondation nationale des sciences politiques. Fondation qui avait permis à Sciences Po d'avoir une forme d'appui considérable, y compris matériel, dans la recherche et de ne pas être simplement lié au budget universitaire annuel. Et François Furet, ayant la perspective de faire pour le HESS ce qu'avait Sciences Po avait réussi avec cette fondation, avait cherché à trouver les moyens de mettre en place une telle fondation des sciences sociales qui aurait fait le pendant de la Fondation nationale des sciences politiques. Il s'était tourné pour cela vers Roger Fauroux, qui le connaissait, et Roger Fauroux était le patron de Saint-Gobain à l'époque, un peu atypique, puisque Roger Fauroux est à la fois un normalien littéraire, et un normalien littéraire qui était un docteur en théologie et qui n'était pas, je dirais, justement un des technocrates classiques dirigeant ce type d'entreprise. Et il avait vécu une expérience intéressante, c'est que, alors qu'il était président de Saint-Gobain, Saint-Gobain s'apprêtait à faire un investissement massif en Iran, et un grand cabinet conseil avait été mandaté pour faire le point sur la validité d'un investissement en Iran. Et le cabinet conseil avait rendu un rapport très copieux, où il y avait toutes les indications nécessaires sur l'état des routes, des transports, l'état de formation, etc., mais il n'y avait pas un mot sur le schisme. Et 15 jours après la remise du rapport, Khomeini revenait à Téhéran. Et Roger Fauroux en a conclu qu'un chef d'entreprise qui ne s'intéresse pas aux sciences sociales peut commettre des bourbes irréparables. Et donc, il avait été spécialement sensible à la réflexion de François Furet qui voulait se doter d'une fondation des sciences sociales. Mais les faits ont fait qu'il n'était pas été possible de construire une fondation des sciences sociales à la hauteur de ce qu'avait été l'ambition, de ce qu'avait été la fondation des sciences politiques de l'autre côté. Et donc, c'est un projet beaucoup plus limité qui sera mis en place. Et ce projet limité sera celui qui deviendra de la fondation Saint-Simon, qui, avec un budget beaucoup plus faible de l'ordre de, on dirait aujourd'hui, de l'ordre de 200 000 euros, se proposait de commander chaque année un certain nombre d'études à des universitaires sur le monde contemporain. Comment comprendre cette institution ? La Fondation Saint-Simon n'a jamais publié ce qui ressemblerait à un manifeste, ni pris position égalitaire à quelque moment que ce soit. C'est donc la sociologie de ses membres et la nature de ses activités et de ses publications qui en dit la vérité. Comment qualifier sociologiquement le milieu qui s'était constitué de la sorte ? En notant que ce fut au départ une addition de choix individuels faits par Furet et Fauroux. Le premier, François Furet, y fit venir des proches, dont François Jacob, Emmanuel Leroy-Ladurie, Jacques Julliard, Edgar Morin, Pierre Nora, Mona Ozouf, Robert Badinter ou Georges Kiegemann, et encore Jean-Claude Casanova, qui avait été le conseiller pour les affaires de l'enseignement supérieur de Raymond Barre, et qui avait protégé François Furet lorsque la ministre de l'enseignement supérieur de l'époque, Alice Saunier-Seyité, menaçait l'école des hautes études d'avoir ses crédits coupés si elle n'élisait pas les nouveaux philosophes de droite. Et Jean-Claude Casanova avait permis à François Furet de résister à cette pression de la ministre, et il lui avait permis en même temps de créer un poste spécial pour accueillir Milan Kundera, qui, à l'époque, venait de Tchécoslovaquie et cherchait un point d'attache. Et donc, il avait fait appel à lui. De son côté, pour François Furet, c'était un lieu où on devait passer des commandes à des universitaires, mais ça n'était pas un espace de rencontre et de débat intellectuel. Il avait pour cela les séminaires de l'EHESS et le petit groupe d'histoire et de philosophie politique dont j'ai parlé l'an dernier. Il ne chercha donc pas à y rassembler des collègues. Ce n'était pas pour lui l'enjeu de l'affaire, et j'étais dans la même disposition d'esprit quand il m'avait sollicité pour le seconder, à un moment où, après l'arrêt de la revue Faire et l'arrêt de la revue Intervention, je me trouvais sans but d'activité directe autre que celui des livres que j'entreprenais. Mais il avait en revanche attiré un certain nombre d'universitaires étrangers auxquels il avait parlé de l'entreprise et qui s'étaient montrés désireux d'être associés à un projet qui n'avait pas d'équivalent chez eux. C'est ainsi que Ralph Dahrendorf, Albert Hirschman, Peter Laslett, Leszek Kolakowski et Rudolf von Taden participeront souvent aux rencontres de cette fondation lorsqu'ils étaient à Paris, ce qui était fréquemment le cas. Et de son côté, Roger Forou invita une brochette de grands patrons amis, connus pour leur caractère réformateur ou leur talent d'innovateur. C'était le cas d'Antoine Riboud, le dirigeant charismatique de BSN qui avait soutenu les ouvriers de l'IP en 1973, de Gilbert Trigano, de Marine Karmitz ou encore de Serge Kampf qui venait de fonder Capgemini. Beaucoup d'entre eux étaient aussi comme lui des inspecteurs des finances venant du service public. C'est un littéraire, mais il avait eu par un concours spécial eu la possibilité de rentrer à l'inspection des finances. Et mis à la tête d'entreprises nationalisées en 1981. C'était le cas de René Thomas, que Mitterrand avait nommé président de la BNP, de Michel Albert, qui avait pris les rênes des AGF après avoir été commissaire au plan, ou encore de Robert Lyon, qui dirigeait la Caisse des dépôts après avoir dirigé l'Union des HLM et animé le cabinet de Pierre Mauroy. Jean Perlevat, le numéro 2 de ce cabinet de Pierre Mauroy, ayant, lui, été nommé à l'UAP. Les patrons de Rhône-Poulenc ou de Publicis acceptèrent aussi, avec quelques autres, de soutenir l'opération. Et Roger Forou fit en outre venir une brochette de hauts fonctionnaires emblématiques comme François Bloch-Lenné, Simon Nora ou Jean-Claude Trichet. Et une poignée de membres de la société civile, comme on disait déjà, syndicalistes ou responsables d'associations, s'agrégèrent aussi. Tout cela dessinait un milieu qui avait un évident air de parenté avec le club Jean Moulin des années 60. Un milieu dont le credo était justement de type gestionnaire et technocratique, estimant, dans un contexte de la 4e République ou de la 5e République juste commençante, qu'il fallait agir au-dessus ou à côté des partis. Et on a employé à son propos le terme de « cercle de la raison » qui convenait de fait à cette sociologie et à son histoire. Du Collège de France le 10 janvier 2018, vous venez d'écouter Pierre Ouzanvallon, les années 1968-2018, une histoire intellectuelle et politique. Aujourd'hui, épreuves et exorcismes, deuxième partie. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion ainsi que l'ensemble des cours de Pierre Ouzanvallon. Son essai « Le bon gouvernement » est disponible désormais dans la collection Point Seuil depuis 2017 et je rappelle l'ouvrage collectif « La démocratie à l'œuvre » autour de Pierre Ouzanvallon sous la direction de Sarah Almatari et de Florent Guénard au Seuil en 2015. Un grand merci aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France, réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration de l'histoire politique des années 1990 en compagnie de Pierre Ouzanvallon. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.